ambiance vers 7h30. Tout va bien. Je vais faire un petit tour de recueil d'ambiance. Bon appétit. Ça vous ? Non. Bon appétit. Sasha!